doublement déprimant. Y aller, ne pas y aller, enfin, vous allez voir son intervention dans le film. C'est vrai que faire tout ce travail tout en sachant Un en deux, un avance deux. que ça va servir à rien, c'est aussi un peu la punition de Sisyphe qui devait vraiment recommencer à chaque fois tout en sachant qu'il n'y aura Un aucun deux, un résultat. deux, trois, quatre. Bon, mais ici, je pense qu'avec la distance, Un deux, trois, quatre. c'est plus du tout la même chose. Non, pas C'est tout à plus du tout fait. la même chose. Trois, À la quatre, cinq, fois, six. il faut Trois, dire quand quatre, même cinq, que la six. France, par rapport à Testing, d'autres testing, pays, mic check. a quand même porté la voix pour défendre les Tchétchènes et pour au moins, on voit plus la France que par exemple l'Angleterre ou les États-Unis ou je ne sais Mic pas two, d'autres pays, à tel point check que je sais pour one. sûr qu'il y a eu presque un problème diplomatique au début de 2000, ouais, entre la France et la Russie à cause justement Mon Dieu, de Tchétchénie. ça Après commence. Bernard-Henri Lévy et tout ça, c'est plus complexe pour moi de défendre parce que j'ai pas très bien suivi cette histoire et puis je pourrais Ça pas y est, ça être commence. comment dire Presque. bien placé pour répondre plus en détail qu'est-ce que c'est la censure ici et qu'est-ce que ça veut exactement dire. En parlant de censure, nous avons donc censuré les 2 dernières minutes de ce je ne sais quoi qui passait à l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net au 40 rue Alfred Duméril à 31 400 Toulouse, France. You are listening to Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net. I just cut the thing that was showing just before, but I don't really give a fuck. Nous allons à présent aborder le thème bien-aimé dans à peu près 1 minute et quelques 30 secondes. Le thème bien-aimé. Donc, le thème de ce soir, c'est le bien-aimé. Voilà. Le mot est lâché. Donc, nous allons parler de merde, de caca et de scatophilie. N'oublions pas l'aphagie là-dedans. L'aphagie, donc, comme autarcie ou apathie, toujours obnubilante. Excusez-moi, je m'éclaircis la gorge un peu pour avoir une meilleure voix, pour que vous me compreniez un peu mieux. Voilà. Ceci n'est pas un foutage de gueule, ceci est l'émission que je ne vous dirai pas encore le nom puisqu'il n'est pas encore 21 h. Par contre, l'introduction est bien là. Elle est lasse même de vous présenter donc cette émission. Et donc je vais me rouler une clope dans un studio privé. Oui, ce n'est pas un lieu public et donc l'on peut fumer peut-être. Quoique non en fait, donc je ne vais pas dire que je vais rouler une clope et je ne vais pas fumer. Voilà, au moins c'est clair, je ne fume pas dans les locaux d'une radio, car c'est interdit par la loi. Voilà. En parlant de loi, justement, le jeu de loi, eh bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'essaie le micro pour voir, 1, 2, 1, 2, il est 20 h 59 sur l'horloge de Canal Sud. À la régie en tout cas, parce que les 3 horloges de Canal Sud tournent toutes à une heure différente, quoi, un temps différent, c'est un temps parallèle, ce qu'on peut appeler un relativisme flagrant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il reste, allez, on va dire 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3, 2 et 1 seconde, 0 seconde, ça y est, c'est l'émission Nuisance qui commence. L'émission Nuisance, donc ce soir, le thème de l'émission, et c'est On vous encule. Voilà, je l'ai dit. Ah oui, oh, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait éloigner les âmes sensibles et les gens qui en ont quelque chose à foutre, eh bien n'écoutez pas cette émission. C'est une émission qui n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, j'ai la crève et je suis venu quand même. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être quelque chose à dire, ou peut-être pas, d'ailleurs, comme tous mes frères et sœurs humains, on n'a peut-être rien à dire en fait, finalement, sur ce qui se passe sur la Terre ou ailleurs, d'ailleurs, dans les cieux ou sous la mer. Voilà, deux. La merde de quoi? La merde humaine, bien sûr. Et donc, j'avais oublié un truc. Voilà. Le 21 juin, c'est la fête de la musique en France. Donc, c'est là où on célèbre la musique, voilà. Et Nuisance, eh ben, on n'en a rien à foutre, la musique. Enfin, je vais être même carrément personnel. J'encule la musique. Voilà, la musique, c'est pour les bœufs. Voilà, donc c'est dit. Et la musique, c'est pour les niais. Aussi, c'est pour les teubés et les imbéciles heureux, tu sais, qui sont heureux d'être cons. Voilà. Et concernant intransigeamment bête, eh bien, je le suis aussi, mais au moins, j'aime pas la musique, moi. C'est la différence entre ces gens-là et moi, quoi. Voilà. Donc l'émission Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin. Excusez-moi, j'avais des glaires, je suis un peu la crève. Eh bien, j'ai même grave la crève. Donc. Pensez à moi en vomissant ce soir et en ayant bien mal au bide, en chiant des grosses crottes bien dures. Et pendant ce temps-là, prenez vos cachets. C'est très important de prendre vos cachets. On ne sait jamais. Peut-être que vous guérirez un jour. Peut-être. Ou peut-être pas. Donc finalement, prenez vos cachets quand même. Ça peut quand même peut-être servir ou peut-être pas. Mais quand même, prenez-les. On ne sait jamais. Excusez cette pause momentanée, je n'allumais pas ma clope dans un studio, donc on n'a pas le droit de fumer, c'est parfaitement normal de ne pas allumer une clope, n'est-ce pas? Bon, alors oui, je parlais donc de la fête de la musique. Voilà, la fête de la musique, merci Jacques Lang de nous avoir inventé cette merde, car la musique c'est vraiment à chier, voilà, c'est dit. Ah, je l'avais déjà dit, bon, bah, je le redis une fois encore, la musique c'est pour les bœufs, les niais, les imbéciles, heureux, et les cons, voilà, disons-le carrément, les bites, voilà, c'est pour les cons et les bites. Bon, alors, j'ai quand même oublié... parce que je suis quand même quelqu'un de sonique, donc j'ai quand même oublié de fêter cette fête de la musique zik, tu vois, donc en fait, voilà, on va en parler ce soir, la musique c'est pour les teubés, voilà, c'est dit. Bon, le thème de ce soir c'était, si je me souviens bien, tout à l'heure j'ai dit, c'était le bien-aimé ou l'être aimé, ou quelque chose avec amour dedans, donc je vais vous interpréter une chanson tout en musique. Une chanson donc toute en musique sur la bêtise humaine, voilà, celle que j'aime. Car j'aime l'humanité, voilà. Donc j'autorise les gens à tuer les autres et à être complètement cons, voilà. Puisque finalement les gens, enfin j'ai déjà dit peut-être, non, j'ai dit ça par rapport aux gens qui aiment la musique. Bon, on va dire que les gens, c'est de la merde. Allez vous faire... enculé par votre sale race de merde humain. Vous allez crever dans la merde humaine. Que vous êtes de merde. Allez vous faire foutre. Humanité débordante de pu et de plâtrons, de chiottes. Oui, de chiottes. Je t'aime humanité tellement je te savoure. Dans ta merde, va crever, sale humanité. Sauf les milliardaires, les 1011 milliardaires français, je les admire. Ils sont vraiment les plus cons de tous. Et je les aime tellement que je vais chanter une chanson pour les milliardaires ce soir. Donc écoutez-moi bien, cette chanson est pour les milliardaires. Omniprésents, donc dans mon esprit. Ceux que j'aime, celles que j'aime. Surtout les teubés. Allez, les teubés, bon, c'est tous les milliardaires, ça, c'est sûr. Même leurs enfants et leurs grands-parents et toute leur famille de merde. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. C'est la merde ce soir. J'ai la crève et toi t'es un gros Richard. Et tu te payes des médocs à 120 euros le cachet pendant que tu tapes ta cocaïne sur les chiottes. Et ton enfant, oui ton enfant va taper de la cocaïne sur les chiottes comme toi et avoir des médocs à 120 euros le pilulier, ou plutôt le cachet. Cachez vos enfants parce qu'on va vous les tuer. Sale Richard de merde, patron d'enculé de sale race, de putain de chiottes. Et je n'ai rien contre les prostitutions, quelles qu'elles soient. Comme le travail par exemple, ou l'esclavage moderne qui est le travail par exemple. Que peut-être la connerie humaine qui est le travail, le travail, le travail, le travail. Oui, j'aime le travail, vous avez bien compris, c'était une histoire d'amour entre moi et le travail. Le travail de quoi? Eh bien le travail sur soi, plutôt que le travail professionnel qui n'en a rien à voir et n'en a rien à foutre de soi. J'ai donc interprété une gamme en do mineur, augmentée d'une septième diminuée, par une carte 6T. Voilà. Je vais à présent ne pas allumer ma clope pour ne pas fumer dans ne pas les studios, ne pas le faire. Surtout ne pas le faire, ne pas faire quoi que ce soit. D'ailleurs, pourquoi faire quoi que ce soit puisque c'est interdit. Voilà. J'ai donc fait un beau bruit de briquet. Voilà. Pour vous montrer que je ne fumais pas une clope dans le studio de cette radio, donc qui n'est pas responsable de mes actes. J'espère, parce que mes actes sont vraiment stupides, comme tous ceux des êtres humains en général, d'ailleurs surtout les riches, voilà, on va dire, et les patrons, voilà, et aussi les chefs d'État, et tout, bah finalement, en fait, on va dire tous les humains, comme ça ira plus vite. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les gens qui sont cons, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, comme il ou elle ou on, qu'est-ce qu'on est con, voilà, et ben c'est ça la vie sur nuisance, cette émission donc qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, et bien c'est d'accepter, enfin, son humanité, de merde. Voilà, l'humanité de merde, c'est de la merde, et on l'accepte. Dans Nuisance, vous pouvez en être fier, d'ailleurs comme tous les patriotes. Soyez fiers de votre humanité de merde. Voilà, je ne vais pas fumer une cigarette. D'ailleurs, je me fous pas de votre gueule, je suis sérieux. Pour une petite fois dans votre vie, vous allez entendre quelqu'un de sérieux. Donc allez vous faire foutre. Vous êtes des humains. Vous ne savez absolument rien sur quoi que ce soit. Vous prétendez le savoir, mais vous ne saurez jamais rien. Et en attendant, vous prétendez, comme je vous ai déjà dit, le savoir, donc savoir quoi, vous n'en savez rien. Vous prétendez savoir quelque chose alors que vous ne savez absolument rien et que vous n'en avez rien à foutre. Voilà, je l'ai dit. Soyons systématiques dans cette émission, rien à foutre, et c'est donc ce que se disent tous les politicards de merde, ou toutes les politicardes de merde, ou tous les patrons de merde, ou toutes les patronnes de merde, et aussi tous les humains de merde, comme les gros Richards, ou les Richards, ou les humaines de merde. Voilà, donc rien à foutre systématique ce soir, donc le thème de l'émission de Nuisance ce soir, c'est rien à foutre, j'espère que vous l'avez bien compris. Rien à foutre de quoi ? Eh bien de la merde humaine, ou plutôt de l'humaine merde, ou plutôt de l'humanité tirer merde, ou plutôt de l'humanité entre guillemets merde, non pas entre guillemets, non, de l'humanité merde, voilà. L'humanité merde, eh bien c'est nous, les pauvres cons. Nous sommes les pauvres cons et nous n'en avez rien à foutre, vous n'en avez rien à foutre, vous les riches, des pauvres cons. Parce que les pauvres cons, c'est des pauvres et ça apporte pas d'argent, les pauvres. À part si ça travaille pour rien, voilà. Comme c'est le cas d'ailleurs, et comme vous n'allez pas prendre la retraite pour au moins 67 ans, eh bien, ou d'ailleurs vous n'allez pas prendre la retraite, vous allez vous crever avant, quoi, mais ça, on n'en a rien à foutre parce que nous, on est les riches, voilà. Donc je parle à la place des riches qui ne parlent pas souvent, il faut le dire, ou par personne interposée, comme les gros politicards de merde, comme je disais tout à l'heure, ou les humains de merde qui puent, voilà. Et donc nous sommes les pauvres cons, voilà. C'est là où je voulais en arriver. Voilà. Voyons donc cette humanité purulente et pestiférante. Voilà. Nous voyons à présent l'humanité pestiférée, toujours aussi purulente. Pourquoi les pestiférés sont-ils pestiférés par les pestiférants alors que les deux sont purulents ? On n'en a rien à foutre. Voilà, c'est, je vous l'ai dit dans cette émission Nuisance. Donc l'émission de toutes les nuisances, ce soir c'est Vocalise. Vocalise sur le thème de la fête de la musique, merci Jacques Lang, et toute la patrie française pour cette belle fête. Voilà, fête. Faites la musique. Faites la musique, oui. Eh bien je vais faire la musique pour vous ce soir. Ceci c'est de la musique. Allez vous faire enculer le bord de la foutre. Allez vous faire foutre. Oui, dans le cul. Voilà, donc ça c'était un chant de messe, un chant de messe tibétain du bardo Tégolio. Donc ça s'intitulait « Va te faire enculer ». Sale métèque, d'enfoiré de merde, pauvre con. Virgule, tu n'es qu'une merde, virgule, tu vas crever comme une merde, virgule, point d'exclamation, c'est déjà fait, eh bien tant mieux, eh bien va crever, voilà, tu es déjà mort, eh bien rien à foutre, systématique, point. Final à cette chanson que je vous ai interprétée donc en hommage à Jacques Lang, le créateur, l'inventeur, l'innovateur, le révolutionnaire Jacques Lang qui a inventé donc la fête de la musique pour se bourrer la gueule tout en écoutant de la merde et on n'en a rien à foutre et surtout faire le bordel, non même pas parce qu'il y a des keufs de partout. Super, donc j'aime la vie. Comme vous le savez déjà, vous avez bien compris, la vie humaine surtout, parce que la vie animale, j'en ai rien contre. Je n'ai rien contre, puisque apparemment c'est quand même plus naturel, tu vois. Ils se prennent moins la tête, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'ils se prennent plus la tête, mais au moins ils ne s'en rendent pas compte. Ou peut-être qu'ils se rendent compte que nous, on est cons, et qu'ils se disent, on ne va pas se prendre la tête pour ça. Ils sont trop cons, ils vont nous tuer, mais tant pis. Tant pis, voilà. Ce que les humains ne peuvent pas faire, sauf les pauvres cons, parce que les pauvres cons, ils sont obligés de faire, tant pis. Ils sont obligés de faire, bon, ben tant pis, tu vois, bon, tant pis. Et oui. C'est la vie. Bon, alors s'il y a des gros riches, vous avez bien compris que Nuisance c'est pas pour vous, donc allez vous faire enculer. Par contre, Nuisance c'est pour les pauvres cons, donc la majorité des gens sur toute la terre qui sont pauvres et qui sont cons, voilà, comme moi. Donc, puisque nous sommes pauvres et cons, eh bien revendiquons-le, nous sommes des pauvres cons. Voilà. Et nous n'en avons rien à foutre des richards, car eux n'en ont rien à foutre de nous, tout simplement. Nous sommes pauvres et cons, comme je vous l'ai dit. Systématiquement, nous n'en aurons rien à foutre de rien. Voilà. Et ni de tout d'ailleurs. Donc rien à foutre de tout ou rien à foutre de rien. Voilà, vous êtes sur l'émission Nuisance qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. J'observe un temps de pause pour que vous puissiez respirer. En tout cas, pour que vous ayez l'impression de pouvoir respirer, vous sentez sûrement une douleur aiguë dans le ventre, ne vous inquiétez pas, j'ai une espèce de virus bizarroïde, c'est un espèce de virus bizarroïde qui me prend le bide et qui me donne envie de vomir, et donc c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de vomir verbalement sur cette sale race humaine de merde que je pue et que je vais faire enculer, quoi. Voilà. Je vais vous interpréter une chanson de Jacques Lang, celle intitulée Fête de la musique ou la mort. La mort qui tue. Donc, j'ai essayé d'imiter Gainsbourg, qui avait une clope au bec. Mais contrairement à Gainsbourg, je n'ai pas le droit de la fumer en public, et donc je vais ne pas la fumer. Voilà, tout simplement, je la garde au bec pour mal articuler. Il n'a pas eu de chance, le pauvre gars, il est mort d'un cancer, mon Dieu. Franchement, je connais pas les chiffres, mais il y en a un paquet qui ont mort de cancer. Mais bon, autant qu'on le sache tout de suite, on va peut-être mourir un jour, hein. Alors autant l'accepter. Mais ça, bon, on va plutôt regarder les photos qu'il y a sur les paquets. Allez, allons se faire foutre. Allons se faire entuber par fils de bâtard de merde. Et pendant ce temps-là, je t'encule à sec. Espèce de fils d'enculé, de sale Richard, pauvre con. Ah non, je me suis trompé, pardon, je recommence. 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. La la la la la la la la la la la. Ouais, j'ai censuré parce que franchement, ah, va te faire enculer. Toi, moi. Fuck us, fuck you, fuck me, fuck, fuck. Fuck me, fuck, fuck, ah. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck, c'est la merde, on va tous crever. Et on en a rien à foutre, systématique. Rien à foutre, rien à foutre de merde. Va te faire enculer, va te faire enculer. Va te faire enculer, sale merde. Sale merde qui pue. Et maintenant, je passe en dos. Alors après le dos, on sait que c'est l'arrêt du cul, quoi. Donc je vais passer direct à l'arrêt du cul, en fait. Je prends ma petite bite. Oui, ma petite, toute petite bite de pauvre con. Et je la mets dans le trou du cul. Sale pauvre pas con. Ou sale pas pauvre et pas con. Ou sale pas pauvre con. Et je te la mets pas profond du tout. Parce que j'en ai pas finalement. Parce qu'on m'a émasculé. Parce que je suis un pauvre con. Et que j'en ai rien à foutre. Parce qu'on m'a dit à la télé. Je voulais rien avoir à foutre. Merde. Ah merde, j'ai dérapé, je recommence, allez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ré du cul dans le cul, va te faire enculer. Oh merde, j'ai positionné sur le micro. Oh excuse-moi, petit micro, je suis désolé. Allez, je recommence. Do, ré, mi, fa, sol, ré du cul, sol, ré du cul au sol. Mets ton ré du cul au sol. Je dis pose ton cul, pauvre con. Oh pauvre con, oui j'aime le pauvre con. Oui l'amour du pauvre con, oui l'amour du pauvre con. L'amour du pauvre con, c'est le thème de l'émission de Nuisance. Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin. L'émission de toutes les nuisances, c'est l'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Allons se faire foutre par les patrons et les riches. Pas con, oui ils sont pas cons parce qu'ils ont plein de thunes. Et ce qui fait l'intelligence dans cette vie, c'est l'argent. L'argent et le bonheur de l'argent. Et je ne m'appelle pas Picsou, mais c'est pour ça que je suis un pauvre con. Un pauvre con de plus. Ou de moins à tuer peut-être, une fois que je serai mort. Allons se faire enculer. Ceci est une émission artistique de libre expression. Va te faire foutre, gros enculé de merde. De pauvre con. Ouais. Ouais. J'ai mal aux dents. Ouais, j'ai mal aux dents et j'ai pas de quoi les payer mes dents nouvelles, toutes neuves et tout. Va peut-être falloir que j'économise sur mon RSA. Ouais, ouais. Va te faire enculer, espèce de grosse merde qui est moi, moi, moi, moi. Et toi, toi, toi, toi. Et nous, nous, nous, nous. Et vous, vous, vous, vous. Et on est cons. Oui, on est des humains trop cons d'être humains, humainement cons. Comme les riches. Les riches qui sont vraiment très intelligents. Je ne veux pas avoir de problème avec les riches qui sont intelligents et beaux et forts. Allez vous faire enculer, bordel de merde, riche de putain, de salope de merde, j'ai de sang de tourette, désolé. Oh les riches, je vous aime. J'aime votre argent, surtout votre argent. Oh oui, donnez-moi votre argent. Je veux en mettre plein de cul à cet argent de merde. Que je pue l'argent. Mais j'en ai besoin, alors finalement... un peu d'harmonie dans la vie. J'aime l'argent parce qu'on a inventé ça. Comme la télé, j'aime ça parce qu'on l'a inventé. Et la guerre aussi, qui n'existe pas chez les animaux. Mais on s'en fout parce que les animaux, c'est bestial. Bestial, bestial. Qu'est-ce qui peut être bétal? Va te faire foutre, moi. Va te faire foutre, moi, moi. J'ai une GTI et je patrouille dans la vie. Je patrouille toute la journée dans la vie. Je suis un patrouilleur obtus. Oh oui, je suis un riche con. En tout cas, je travaille pour les riches cons. Oui, les riches cons, c'est mes patrons. Et j'aime mon patron. Mon patron, c'est un fils d'enculé qui va se faire foutre comme ces bâtards d'enfants et toute sa famille pourrie. Crevons l'abcès, l'humanité, c'est à chier. Oh pardon, j'ai dit la vérité. Harmonie, harmonie, on revient sur l'harmonie. Donc, mensonge et harmonie, voilà. Ce sera le thème de ce soir de l'émission Nuisance. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 marche bien en rang. Pour avoir ta paye à la fin de l'année et avoir des études parce qu'on te l'a te les payer. Et après tu seras au chômage une fois que tu nous as quittés. Au chômage quand tu nous as quittés. Sauf si on te trouve un taf. Si t'es un héros de guerre, un héros de guerre, un héros de guerre, un héros de guerre, un héros de guerre, un héros de guerre, un héros de guerre. Va te faire foutre. De la musique, la belle musique. Ouh, ouh, la belle musique. Oh la belle musique, t'as vu la belle musique? Oh regarde, oh regarde, regardez. Oh la belle musique. Oh la belle musique, la musique, la musique, la musique. La musique. Va te faire musique, musique. Va te faire musique, musique, musique. Va te faire musique, musique. Va te faire musique, musique, musique, musique. Alors j'ai oublié de faire la fête de la musique l'autre jour, mais bien sûr c'est une émission britiste ici, alors on va pas faire de la musique. Mais je me suis dit finalement, autant rendre hommage à nos glorieux pères des enfants. Un peu d'harmonie. J'ai redondé une note. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je vous tousse dans le micro. Et pourquoi également j'ai redondé la note. C'est une histoire de principe. On peut dire que c'est principiel. Ou principalement, la plus grave de toutes les erreurs qu'on puisse faire à la radio, c'est de cracher dans un micro. Voilà, donc j'ai donc pété dans le micro à l'instant, j'ai flatulé dans le micro, donc la personne après moi va devoir supporter une odeur flatulence, deux, ou trois fois peut-être dans l'émission, je vais flatuler sur le micro. Incohérence toujours de mise, de main, mise sur la nuisance sonore ou sonique, nique, nique. Eh bien, so, nikon, nikon, nikon. Là, je sais pas quoi. Finalement, niquons-nous les uns les autres, comme les riches y font, parce qu'ils ont raison. Et comme ça, ils ont plein de thunes, ils sont heureux. Voilà, pour le peu de temps qu'il leur reste à vivre. Quoique leur temps à eux est bien plus long que le nôtre, les pauvres cons. Pardon, j'ai roté, mais je suis malade. Vous pouvez demander à mon médecin traitant. Je ne suis donc pas en train d'allumer une clope, car c'est interdit par la loi. La loi donc faite par les riches pour les pauvres. Moins, ça c'est sûr, puisque il y a moins de riches que de pauvres. Et puisque c'est les riches qui font la loi, c'est donc pour les pauvres qu'ils la font. N'est-ce pas la démocratie ou la république? Eh bien cette république que nous nous empressons dans l'émission Nuisance, en tout cas moi-même, de prendre à revers, sans lubrifiant, eh bien, cette république, donc que je prends à revers sans lubrifiant, cette république, comme je dis, vu que je suis un pauvre con, j'ai encore répété la même chose, que je prends à revers sans lubrifiant, cette république, eh bien, elle est publique. On peut, tout le monde peut se la prendre, en fait. Tout le monde peut prendre cette raie, la taillader en pièces, la foutre dans une poubelle, la ramasser après un ramassis d'ordures, se faire payer pour avoir trié les déchets de la République, alors que les gens qui le font bénévolement ne sont pas payés, eux, et autant faire travailler des pauvres cons pour qu'ils aient les mains dans la merde, et que les riches aient des apparts HLM pour qu'ils gaspillent moins d'argent, par exemple dans leurs îles Baléares ou je ne sais quoi d'autre. En fait, Fuck you, motherfuckers! I can talk in English, I can fuck you in English, I won't be censored. But I can't say va te faire foutre en français, non, c'est pas possible, je vais être censuré. Alors je dis fuck you in English, fuck you all, you motherfuckers! Fuck you! Fuck you! Fuck me, fuck everybody! Baisons tout le monde. L'amour, l'amour, la gloire, la beauté, la richesse, le flouze, rayons tous les autres de la carte, le flouze, ça donne l'amour, la gloire, la beauté et le bonheur du cul, le bonheur du cul, c'est le flouze, la thune, le pèse, le blé, l'oseille. Voilà, donc vous avez compris, cette émission en nuisance a donc pour thème l'oseille ce soir. Nous allons donc nous empresser de vous donner des tuyaux peut-être pour vous faire du fric sur le dos des pauvres cons, comme moi. Donc par exemple, si vous voulez vous faire un peu de fric sur mon dos, eh bien faites-moi payer l'électricité. Vous pouvez également me faire payer les transports en commun. Et vous pouvez également finalement me faire payer la bouffe, le logement, l'air que je respire. La télévision, oui, allez-y, faites-moi payer la télévision. Et surtout, avant toute chose, faites-moi payer tout. Tout en silence. Voilà. Faites-moi payer tout en silence. Comme ça, tout sera payé en silence. Tout. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris que c'était un silence, tout, dans vos faces, tout, de pauvres cons, tout. Parce que les riches, finalement, je n'ai pas osé m'en prendre à eux, puisque eux ont des avocats, eux ont de la défense, eux ont quelque chose d'intelligent à dire, que moi, je n'ai rien à dire, je suis un pauvre con. Alors, je vais me casser, oui, je vais me casser de cette existence en public. Voilà, je viens de m'égorger, comme ils le méritent. Mais malheureusement, c'est moi qui l'ai fait sur moi-même. Et donc, je suis à présent mort, et donc la personne qui le mérite n'a pas eu ce qu'elle méritait. Voilà, donc c'est là la question de nuisance en fait. Bon, ça nous prend la tête, autant le dire carrément, ça nous prend la tête, aux pauvres cons en tout cas. Ah oui, je sais, les riches, heureux et tout ça, bien heureux, machin, oui, les beaux, les forts, les gentils, les glorieux et tout ça, eux, ça ne leur prend pas la tête, ils sont heureux, beaux, glorieux et tout ça, ils ont du flouze surtout, disons-le carrément. Malheureusement, ils ont des impôts à payer, mais ils peuvent être détaxés s'ils sont assez riches peut-être. Une autre chose, je ne pense pas. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis pauvre con. Mais non, à mon avis, c'est vous qui pensez trop. Vous pensez trop au fric. Voilà, je m'adresse aux riches parce que, pour une fois, je vais leur dire la vérité en face. C'est fait, voilà. Je ne vais pas m'en prendre plus encore à eux, les riches, ou elles, les riches. Parce que ces gens-là, finalement, j'en ai rien à foutre. Et systématiquement, je vais être là et je vais dire j'en ai rien à foutre. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais je préfère m'auto-censurer, vous comprenez. Je ne veux pas que la radio paye pour mais j'en ai rien à foutre. Alors je vais plutôt faire des j'en ai rien à foutre qui ne veulent absolument rien dire. Et l'incohérence est toujours maîtresse de Hal, le présentateur et producteur de cette émission Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin, l'émission de toutes les nuisances, ou l'émission qui nuit au sens et. C'est sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou Canal Sud.net partout dans le monde. Ceci est une radio, oui, une radio. Il en reste encore des libres, très peu. Je vous rassure, les riches et les sales enculés de merde. Non, pardon, c'est pas eux que je veux dire. C'est nous, les pauvres cons, je veux dire. Oui, les pauvres cons, désolé, il y a encore des radios libres. Et les riches, ben ouais, je suis désolé encore, il y a encore des radios libres. Il y en a très peu, vous inquiétez pas. Voilà, déjà. Ensuite, la responsabilité me retombe tout dessus pour les conneries et les absurdités que je dis. Je suis un malade mental, qui rime avec Hal, donc mon surnom. C'est pour ça que je me suis fait appeler Hal, parce que je suis un malade mental. Voilà. Je sais, on en a rien à foutre. Et je vais te dire un truc aussi. Je vais pas m'en prendre à toi. Non. En fait, je vais m'en prendre à personne. Parce que l'émission de nuisance, c'est pas une émission qui s'en prend à quelqu'un ou à quelque chose. Non, non. C'est juste une émission de libre expression radiophonique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, cette émission de libre expression radiophonique se laisse librement s'exprimer. Voilà. C'est là toute la clé. Librement s'exprimer. Non, j'ai pas dit liberté, égalité, fraternité, palais de justice. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit librement s'exprimer, peut-être. Je sais que c'est pas écrit dans la Constitution des droits de l'homme, ou peut-être même si c'est écrit, ils ont changé la loi depuis. Mais librement s'exprimer. Alors, libre expression. Ça vous évoque quelque chose? Non. Parce que nous sommes des pauvres cons et nous ne comprenons absolument rien à la vie. Nous préférons largement écouter de la musique, que nous exprimer librement sur ce que nous pensons. Et nous préférons largement écouter la télévision ou la radio commerciale, programmée, pré-programmée même, toutes les daubes. Franchement, toutes les daubes de merde que l'on nous sert pour nous atrophier le ciboulot. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, suivant. Il reste une chance à une personne sur Terre de crever aussi vite qu'elle peut avant qu'elle voie toute sa famille et tous ses descendants et toutes ses ascendances crever sous ses yeux, car c'est une Rome ou un Black ou un Rebeu qui peut pas se marier avec quelqu'un ou juste quelqu'un qui peut pas s'exprimer librement. Voilà. Donc dans ce pays, il paraîtrait, j'ai bien dit au conditionnel, que l'on puisse s'exprimer librement. Chut, taisez-vous. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est faux. C'est faux. Si je pouvais l'exprimer librement, je dirais « va te faire foutre, enculé de... » Et je dirais le nom de la personne. Mais je ne peux pas le dire. C'est trop dangereux. Et donc, si je pouvais l'exprimer librement, je dirais aussi « va te faire foutre, sale machin. » Tu vois, mais le machin, il y a un nom derrière, tu vois. En fait, c'est des gens, ces gens-là. Les gros Richards de merde qui ont plein de milliards et qui niquent les pauvres cons comme nous. Qui sont sales et puants. Parce qu'on n'a pas de thune pour se laver, eh bien, donc ces gens-là, les sales pauvres cons et tout ça qui n'ont pas de thune pour se laver, on n'en a rien à foutre parce qu'on est des riches, nous. Nous, nous, nous, nous, nous. Et nous. Nous sommes au pouvoir et nous maîtrisons la situation par derrière. Nous prenons la République et nous la retournons et nous l'enfournons, oh oui, avec la crème fraîche. C'est bon la crème fraîche dans la République. Bon, alors, merci monsieur République. Merci les peu de madame République. Et d'ailleurs, les madame République sont comme les monsieur République, à mon avis. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas respectables, ce n'est absolument pas mon propos. Non, ils sont largement respectables. D'ailleurs, ils doivent être respectés, c'est la loi. Voilà. Donc nous pouvons librement nous exprimer sur le fait que nous devons respecter les gens qui n'en ont rien à foutre des sales pauvres cons, comme moi, ou vous, ou tous d'ailleurs, à part les gros Richards, les 1011 milliardaires français, oui, qu'il y a sur Terre, oui, 1011 milliardaires pour 60 millions de Français, mon Dieu, quelle proportion énorme de milliardaires français, que j'aimerais en être un ou une de milliardaires français, peut-être dans une autre vie, mais ça m'étonnerait, parce qu'en 2012, on va tous crever, j'espère, au moins on sera tous à la même enseigne. Allez, on va écouter un peu de rien du tout. Voilà, pendant quelques secondes, le temps que je n'allume pas ma clope dans ce lieu qui est un lieu je ne sais quoi, qui en tout cas c'est interdit de fumer dans les lieux je ne sais quoi. Voilà. La loi, c'est la loi, vous m'entendez ? La loi, c'est ce qui nous nuit. Voilà. La loi, c'est ce qui nuit à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, une personne a dit « je vais faire la loi pour tout le monde ». Eh oui, c'est ça le truc. Tu vois. Soi-disant. En fait, elle l'a pas dit. Cette personne s'est dit à soi et à ses potes, elle l'a dit. On va faire une loi. Pour faire chier les sales pauvres cons, pour qu'ils nous donnent de la thune, ou qu'on leur prenne de la thune, sans qu'ils s'en rendent compte. Quelle bande de sales pauvres cons! L'émission Nuisance est une émission artistique. Elle n'en a que faire des débats politiques. De toute manière, en politique, comme en artistique. Rien à foutre. Ne signifie pas plus rien à foutre. Que rien à foutre ne signifie rien à foutre, ne signifie rien à foutre, ne signifie. L'incohérence dans une émission brutiste, je crois qu'elle a sa place. Écoutez-moi, nous avons le droit à la vigilance sécuritaire. Identité parmi tant de nations, républiques ou patries est importante comme l'importance que j'accorde aux flouzes, essence et pétrole dans mon derche. Française, français, américain, américaine, guatémalien, guatémaltèque, matez-vous des films de boules en vous masturbant, ça vous évitera de penser à moi, et comme ça je pourrai faire tout ce que je veux, mater la chaîne de télé pornographie. Oui, la nouvelle chaîne de télé pornographie, donc vient de sortir, au moins, elle annonce carrément la couleur. Tu veux du porno, va sur porno. Tu veux de la politique, va sur politique. Tu veux de la télé, va sur télé. Tu veux de la merde, va sur merde. Et donc cette planète qu'on appelle Terre, qui est finalement pas si mal, on aurait peut-être pu l'appeler, le monde humain en tout cas, on aurait pu l'appeler. Oui, on aurait pu l'appeler, cette planète. D'ailleurs, on est en train de la peler. Voilà, on est en train de la tondre. Et donc, on a plus de mémoire parce qu'on nous éduque pas. Parce qu'on nous dit que la France a gagné la guerre 45. Mais en fait, on a perdu comme des merdes, autant que je sache. On s'est fait sauver par les Éricains. Non, mais je vais pas ouvrir une biplay. Mais les Français, c'est bien eux qui ont fait la guerre d'Algérie, qui ont buté l'innocent là-bas. T'sais. Et qui ont buté des gens en 61 dans les rues de Paris. Non, mais les Français, en fait, c'est de la merde. Comme les Américains, c'est de la merde. Mais au moins, quand on est en France, on peut dire les Ricains c'est de la merde. C'est pas les Ricains qui vont attaquer en justice. Par contre, quand on est en France, on peut pas dire les Français c'est de la merde. Par contre, on peut dire les Français c'est la patrie, la nation, c'est la beauté, la gloire, l'amour, la richesse, la musique, c'est la musique, la France, de la musique qui pue. Et ben ça, on peut pas le dire. Voilà. Et ça, c'est la vérité sur la libre expression. C'est pour ça que Nuisance est une émission artistique, faite par un malade mental. Comme ça, au moins, je prends tous les risques sur ma tronche. Et peut-être que les riches de merde, qui spolient les pauvres cons, et qui stigmatisent les pauvres cons, et qui font chier en prenant toutes les thunes, le peu de thunes qu'ils ont, les pauvres cons, aux pauvres cons, peut-être que les riches, eh bien, ils ne feront rien, comme d'habitude. Et donc, en fait, je n'ai même pas besoin de spéculer. La spéculation, c'est pour les riches, les patrons, les 1011 milliardaires français. Et le reste, c'est pour les pauvres cons, comme moi. Voilà. Car je me mets au rang des pauvres cons. Je suis un sous-humain. Vous n'êtes pas sous-humain, mais restez humain, alors. Allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre des humains, moi, tu sais. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'Adolf, il en a quelqu'un à foutre des feuges? Eh bien, moi, c'est ça, mon ambition. Moi, je veux être identitaire, je veux être patriotique, je veux être raisonnable et je veux être république. Alors, prenez-moi par derrière, j'en ai rien à foutre. Vous avez des petites bites. Un peu de musique pour adoucir les mœurs. La musique, c'est de la merde. Nous, ce qu'on préfère dans Nuisance, en tout cas moi, c'est le bruit. Bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le 8 juillet 2011, j'ai la crève, je suis d'une humeur massacrante. Et c'est peut-être la meilleure émission que je vais faire de ma vie. Alors je vais le dire encore une fois, ceci est l'émission Nuisance, sur Canal Sud 92.2 FM à Toulouse ou canalsud.net dans le monde entier. But unluckily you don't understand what I say, you English speakers over there. So I want to say to you in English, we are all full of shit. We are all full of shit. Full of shit. Oui, nous sommes remplis de shit. N'est-ce pas? Nous sommes tellement remplis de shit que nous ne voyons pas le bout de notre nez. Et pendant ce temps-là, les républicains nous prennent par derrière. Et avec leur démocratie, nous autocratisent. Mais nous, on s'en fout. Nous, on n'a rien à foutre, sans d'autres soucis. On ne sait pas ce qu'on va manger ce soir. On ne sait pas quel PQ on va se torcher le cul, tu sais. Avec fleur de lotus ou parfum parfumé ou république ou démocratie. On ne sait pas avec quoi on va se torcher le cul. Alors finalement, regardons notre télé et endormons-nous en rêvant d'un canapé tout neuf en cuir, latex, spandex, vinyle et sky. Tout ça mélangé dans un verre avec un peu de jus d'orange et de cercueil. Buvez-le cul sec. Et vomissez vos tripes, bande de nazes. Je suis le premier des nazes, c'est pour ça que je reconnais les nazes quand j'en vois un. Et les nazes, c'est comme ma famille à moi, les humains, c'est de la nazité. Tu comprends ça? Voilà, de la nazité. C'est naze. Ça pue. C'est à chier. Et je dirais même plus, c'est puant. Voilà, c'est dit. La France, c'est beau. L'humanité tout entière, c'est puant. Au moins, on va pas t'inquiéter en justice parce que je dis l'humanité tout entière est puant. Tu sais, oh, peut-être que si, justement, parce que justement, ça va peut-être passer une loi justement pour interdire qu'on puisse libre expressionner, artistiquement parlant, sur une radio associative, peut-être, qui vont passer une loi comme ça. Peut-être. Et ce serait bien possible. Ça a déjà été fait. Et ce sera refait. Encore, jusqu'à ce qu'il y ait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des quintales et des quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux, quintaux de loi qui interdiront toute expression, quelle qu'elle soit. Car c'est la solution. Messieurs les riches, mesdames les riches, interdisez-nous l'expression, voyons. Puisque la liberté n'est pas de mise dans cette terre pourrite. Pardon, je ne parle pas de la France est une patrie magnifique, la France, la patrie est magnifique, avec le sang impur qui coule de la gorge du président de la République. Oui, c'était une chanson musicale, je crois que c'est Alfred de Musset qui l'a écrite en écrivant un trou du fion dans le derche de mon con, je crois, ou peut-être que c'était « Vas-y, monte le gain sur ta pourriture de sein », ou peut-être était-ce encore « Le jukebox tourne, tourne, tourne, tant que la terre ne tourne pas, ronde, rondement menée, l'affaire est bien pas close, en fait. Il nous reste quelques années à vivre et vous ne le savez même pas. Bon, rassurez-vous, il y aura l'arche de Noé, celle qui est bien, bien prétendument l'arche de Noé, qui sauvera tous les riches, les peut-être, je sais pas, allez, on va dire 20 000 riches de terre, sur terre. Allez, si, on a 20 000, quoi, tu sais, je veux dire, sur un putain de 6, 7 milliards, tu sais, il y en a 20 000 qui sont riches, et les autres, ils crèvent la dalle, et ils en ont rien à foutre. C'est ça, les pauvres, ils en ont rien à foutre, c'est des pauvres cons, ils préfèrent regarder la télé, hein, les rendre un canapé Sky, latex, cuir vinylique, toute la nuit. En tronchant, excusez mon expression, très pauvre, en tronchant leurs poupées gonflables, dont ils ont fait une idée, ils sont représentés leurs poupées gonflables. Ils sont représentés leurs poupées gonflables avec les traits de la présidente, par exemple, madame, ou peut-être du président pour certains, ou pour certaines, et d'autres... Comme moi, nous branlons le monde en pensant craindre, peut-être, les rétaliations d'une nature si souvent inobservée. Voilà. La nature humaine. Observons la nature humaine, c'est de la merde. Je préfère la nature toute simple. La nature, au moins, elle ne nous fait pas trop chier. Sauf quand elle pète les plombs. Mais au moins, elle pète les plombs. C'est pas comme les humains qui en ont rien à foutre, qui préfèrent rester sur leur cul, arriver d'un sky vinylique. Dans leur gosier, pendant que leurs tripes fondent au soleil du monoï tergiversé. Cancérigène, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, bordel ? On va crever comme de la merde, comme des pauvres cons. Et nos descendants, ils vont crever comme des pauvres cons. Et nos ascendants sont morts comme des pauvres cons. Donc en fait, qu'est-ce qui nous reste à nous, pauvres ? Eh bien, il nous reste qu'on est des pauvres cons. Et que tous les riches et les forts et les puissantes et les puissantes, eh bien, tout cela, ils sont beaux. Ils sont riches. Ils sont intelligents. Ils sont gloire. Ils sont patriotisme. Ils sont identité. Ils sont nation. Ils sont légion. C'est ça que je dis, moi. Les riches, tellement ils sont cons et peu. Ils sont légions. Et tous ces gens qui veulent être riches, ils sont légions. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des riches à la télé avec leur canapé Sky, vinylique, latex, spandex, vinyle, Sky, spandex, latex. Et bien tout ça, c'est du plastique. Désolé, tu savais pas ? Le plastique, c'est du pétrole. Tu savais pas ? Oh, pardon, excuse-moi. Le pétrole, c'est de la merde. Ça nous tuera tous. Comme au delta du Niger, par exemple. On ne peut plus respirer. En fait, on va tous crever. Je crois que vous le savez. Mais vous ne vous en rendez pas compte. vous êtes déjà mort. Mort, car vous êtes des pauvres cons. Vous êtes des pauvres. Vous êtes cons. Alors souvenez-vous-en. Vous allez mourir comme des pauvres cons que vous êtes. Allez, j'ai vraiment la crève. Ce fut une bonne émission. Je suis assez fier. Pour une fois que la libre expression a de tout le futur, n'est pourtant qu'incohérence. Nous sommes toujours présence omnibilante et réactionnelle. Peut-être réactiviste, peut-être un peu trop d'ailleurs. En tout cas, la réaction, je l'encule. Comme j'encule le monde entier. Les humains, je veux dire le monde humain. Car la Terre, elle, n'a rien demandé. Nous sommes un accident. Oui. Eh bien, si l'avortement existait à cette époque, quand nous sommes arrivés sur cette terre, je crois que la terre aurait bien fait de s'en servir. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Sur Canatude 92.2 FM ou canatude.net, vivez heureux. Souvenez-vous, la musique, c'est ce qu'il y a dans la vie qui est beau. Voilà, la musique. Et la beauté de la gloire du monde et tout ça, eh bien, je chie dessus, mais ça, vous le saviez déjà.